petite casse-tête. Qui ne renferme de fantômes. Soprano, Marseille. T'inquiète, le concert. À la franchie, tout ça. Chaque corps laisse une empreinte. Psychiatre, bonne chance, ma gueule. Impossible d'approcher un mort récent et de ne pas l'éprouver. Victime d'homicide, d'overdose, suicidé, m'accusant d'être là. Sans témoin d'une humiliation qui n'est pas. Eh Renoir, tu vas te faire schlapper tôt ou tard, putain. Personne n'est intouchable. Jérôme Le Panner te le dira, les cons ont du charme. Si t'as jamais franchi le foyer familial, lieuse flégon, tête baissée, tu peux pas comprendre. À cette heure-ci dehors, c'est d'art, ça se pétaille, y'a du sang par terre, quelque part ça tire. Mon daron comme preuve d'amour, il mettait des high kicks et des grosses manchettes dans la bouche. Les lendemains au collège, je devais fermer ma gueule, avec ma frôlée pétée, fallait rien dire au prof. Batte de baseball, schlass, club de golf. T'as cru quoi, les têtes à tête, c'est plus à la mode. Demande à Foden, si t'es pas solide, va pas au Queen. Bellec au point de suture dans les parties insolites. On va te mettre ta dose. Si tu jacques, préviens ta go, qu'elle prépare les glaçons pour tes hématomes. Oh,